ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le graffiti de la grotte de Lascaux à la rame de métro. Pourriez-vous me dire qu'est-ce que c'est qu'un graffiti? Oui, c'est ce qu'on rencontre dans la chambre de toilette ici. Des choses que tu as sur le cœur ou des choses que tu aimerais dire à tout le monde puis que tu le dis pas. J'en ai vu un qui était à gauche puis disait « Si ce que vous lisez est à votre droite, vous êtes assis du mauvais côté. » Un graffiti? Ah, c'est des dessins que des gens font comme les graffitis sur les métros de New York. Non, je connais pas ça. C'est une ébauche de dessin, c'est pas ça? Les églises, les pierres angulaires, c'est greffé. Le graffiti, interprété ici à toutes les sauces, certains ne savent absolument pas de quoi on parle, d'autres en ont au contraire une très bonne idée. D'autres enfin, vous l'avez entendu, y vont de fantaisie, parfois même de poésie dans leur interprétation du graffiti. À quand remonte l'histoire du graffiti et quel en a été l'usage au cours des âges? On s'aperçoit que dans certaines stations où la décoration intérieure est moins belle, il n'y a plus de graffiti. Est-ce que les stations... Mais souvent, ces stations-là, c'est des stations qui ont eu moins de décoration à cause, justement, qui ne desservent une moins grande population de quartiers. On croit, généralement, que les graffitis sont faits surtout par, je ne sais pas moi, des jeunes en bas de 20 ans, des écoliers ou autres, même des étudiants, mais non, ce n'est pas le cas. Il y a des hommes de 50 ans qui le font. Deux employés du métro de Montréal qui parlent du phénomène des graffitis dans un reportage qui est diffusé en 1980. S'il est vrai que le graffiti que l'on voit au détour d'un regard aujourd'hui est souvent associé à une forme de vandalisme, il n'en a pas toujours été ainsi. Au contraire, à une certaine époque, le graffiti est très utile. Pour nous raconter l'histoire du graffiti, l'historienne Évelyne Ferron, qui enseigne l'histoire de l'Antiquité à l'Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec également à Chicoutimi. Évelyne Ferron, bonsoir, merci d'être à l'émission. Bonsoir, ça me fait plaisir. Évelyne, une histoire du graffiti. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui, du point de vue de l'historienne, est intéressant dans une histoire de graffiti? C'est l'avantage, en fait, de pouvoir étudier une histoire dans la longue durée. Donc, plutôt que d'étudier un phénomène qui est propre à une seule civilisation, une seule époque, l'avantage du graffiti, c'est qu'il a touché tous les continents. Toutes les civilisations en ont laissé. Il y a à peu près juste l'Antarctique, en fait, qui est dépourvu de graffiti présentement. Et ça nous permet donc de pouvoir voir un sujet historique sous plusieurs angles et de pouvoir l'interpréter selon les cultures, selon les époques. Mmh. Et parce qu'il a plusieurs usages aussi. Alors, les graffitis, comme c'est des marques qui sont gravées, qui sont peintes et qui sont laissées, et qui ont survécu au temps, mais pour l'historien, c'est un corpus de sources qui est quand même intéressant parce que généralement, il vient de la population qui est plus anonyme d'habitude dans l'histoire. Donc, surtout ça, quand on remonte à l'Antiquité, qui est ma spécialité, c'est sûr que les gens lettrés, les gens qui nous ont laissé des textes, parlent toujours de l'élite, nous parlent souvent de l'élite politique, économique, mais la masse populaire, on la connaît très peu. Mais par le graffiti, par contre, notamment dans les villes qui sont laissées sur les coins de murs et tout ça, bien là, ce qui apparaît, bien, c'est l'histoire quotidienne et c'est celle du peuple. Donc, elle est les plus rare, et c'est un peu ce qui en fait la richesse. Intéressant. L'histoire des sans-voix, en quelque sorte. Oui. Et puis, au tout début, parce que ça remonte à la préhistoire, l'histoire du graffiti, Évelyne, le graffiti, c'est la manière de témoigner de l'ère du temps, d'une époque, avant même que l'écriture apparaisse. Là. Le dessin est là déjà. Ben voilà, donc quand on remonte vraiment à la préhistoire, les premières formes de communication ou d'expression qu'on a, ben ce sont les peintures des cavernes, ce qu'on appelle traditionnellement l'art rupestre, qu'on va retrouver autant dans les grottes d'Australie, on peut penser aussi à l'Altamira en Espagne, et c'est sûr qu'il y a quand même les grottes françaises, entre autres celle de Chauvet, qui remonte à 33 000 ans quand même, où on a ces premières volontés d'exprimer, de représenter des histoires. On s'est toujours demandé, en fait, est-ce qu'il y a un sens religieux à ces peintures d'animaux-là? Est-ce que c'est peut-être justement une façon de marquer un territoire de chasse, d'identifier le type d'animaux qu'on peut chasser dans ce secteur-là? Parce qu'on s'entend qu'on est dans une époque où l'homme passe lentement du nomadisme vers la sédentarité, mais c'est encore une transition. Est-ce que c'est une façon peut-être aussi de se divertir le soir au coin du feu? Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs théories qui ont été amenées avec ces peintures-là, mais c'est quand même une première façon de montrer c'est quoi l'environnement aussi qu'on avait dans ces secteurs-là il y a plus de 30 000 ans. Donc, le type d'animaux, mais aussi le type de végétation. Ce qui est émouvant aussi, c'est qu'on voit des mains qui sont les premiers, on pourrait dire, stencils de l'histoire, des mains d'enfants, des mains de femmes qui sont un peu placées à différents endroits. Alors, ça semble avoir été vraiment une façon de garder en mémoire peut-être des histoires de chasse, mais aussi de garder en mémoire les types de gibier qu'on peut avoir aussi. Dans la grotte de Chauvet, d'ailleurs, 33 000 ans, là, on a aussi peut-être ce qu'on appelle des Vénus, donc il y a des têtes de femmes qui apparaissent à différents endroits. Il y a des organes génitaux aussi, donc c'est peut-être une façon de commencer à s'expliquer le monde d'une certaine façon. Vous parlez de Chauvet, il y a aussi évidemment l'incontournable grotte de Lascaux, Evelyne Ferron. Ça vaut la peine qu'on s'y attarde. On se fait plaisir d'abord. Un petit extrait d'une entrevue qu'accorde Jacques Marsal. C'est l'un des quatre adolescents à découvrir la grotte de Lascaux en 1940, entrevue qui remonte à 1978. C'était une chose absolument fantastique. D'abord, le fait d'être tombé dans une caverne inconnue était déjà passablement excitant. Nous n'avions qu'une petite lampe à pétrole et on s'éclairait les pieds. Courageux mais pas téméraire, on s'avançait prudemment. Et c'est en arrivant dans la partie principale de la grotte, en levant la petite lumière, on s'est aperçu que le plafond était couvert de peintures, rouges, noires et jaunes, sur un fond blanc. Imaginez quelle pouvait être l'aventure pour ces quatre garçons le jour de cette découverte. On imagine bien, effectivement, quelle peut être l'aventure. Je ne suis pas certain qu'ils se rendent compte à ce moment-là de ce qu'ils découvrent, de l'importance de ce qu'ils viennent de découvrir. Qu'est-ce qui fait la richesse, Evelyne Ferron, de cette grotte de Lascaux? La grotte de Lascaux, elle est d'une richesse parce que c'est plus de 900 peintures d'animaux quand même. Dans une grotte qui n'est pas si grande que ça, on parle d'à peu près 250 mètres de long. Alors, c'est pas la grotte qui est la plus, ou la caverne qui est vraiment la plus grosse dans celle qu'on a pour des témoignages, je vous dirais, peints de la préhistoire. Elle remonte à 18 000, 17 000 ans. Donc, c'est vraiment Homo sapiens là, qui est ici, qui est peut-être un petit peu plus habile de ses mains parce que là, on a des scènes animalières, donc plus de 900 animaux, un seul ours, à peu près 500 chevaux, mais qui montre en fait vraiment un environnement et qui est animé parce que les formes animales épousent les roches. Donc, il y a comme une volonté de perspective sans qu'on soit encore capable de faire de la perspective en art. Il y a la volonté de choisir, en fait, la forme de la caverne, épouser la roche pour donner une impression, justement, que le cheval est en train de courir, qu'il est en pleine puissance. Et il y a eu des découvertes tout à fait fantastiques en lien avec cette grotte-là il n'y a pas si longtemps que ça. Cette théorie qu'en fait, c'était un dessin animé pour raconter des histoires de chasse. Alors là, on a reproduit, parce que elle a été entièrement reproduite, la grotte de Lascaux, donc on peut quand même faire des essais sans endommager l'original qui malheureusement souffre de problèmes d'humidité, de champignons, de choses comme ça. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on allume un feu en plein centre, eh bien, les flammes vacillantes et dansantes font bouger les animaux. Alors ça, c'est une découverte qui date d'environ 2 ans, mais qui vient vraiment démontrer qu'il y avait vraiment une volonté de se raconter, de s'exprimer dans ce qui faisait le quotidien de ces gens-là, qui était quand même la chasse, la cueillette. On fait un saut vers l'Antiquité, Evelyne. Déjà, ça va vite, cette émission. Et tout au cours de l'émission, de fait, c'est l'usage du graffiti qu'on va examiner ensemble. À quoi il sert, donc, à l'époque de l'Antiquité? Je pense que déjà, on s'en sert comme une espèce de babillard. On y échange des messages. Oui, ça peut être des babillards. Les Grecs ont été très, très bons là-dedans. Les Égyptiens aussi. Donc, en fait, on pourrait dire que pour les gens de l'Antiquité, les murs, les coins de colonnes, ça peut être aussi parfois des pierres très visibles ou pas assez visibles. C'est comme un peu le Facebook, vraiment, l'ancêtre du Facebook. On se laisse des messages, on s'exprime et on peut passer de la publicité. Oui, des fois, on peut indiquer le lieu, un lieu qui peut être un petit peu plus, je dirais, un bordel, à titre d'exemple. Donc, ça, vous voulez pas nécessairement écrire le mot, mais vous pouvez laisser des symboles qui vous indiquent que vous en allez dans la bonne direction. Mmh. Mais ça a été une façon aussi de faire de la politique. Donc, plutôt que d'avoir des pancartes électorales, bien, les murs vont servir, en fait, à s'exprimer politiquement, donc à dénigrer des candidats ou à rehausser, en fait, le potentiel de certains candidats. Ça a été une façon aussi même de pouvoir dire, hey, j'ai aimé ça, ce spectacle de gladiateurs-là. Je m'exprime et je le dessine et tout ça. On a vraiment des témoignages qui sont fantastiques. Puis c'est aussi une façon, comme toujours, de laisser sa trace lorsqu'on passe quelque part. C'est très lié au tourisme également chez les Grecs. Déjà, le fameux I was here, j'y étais. Oui. On le trouve déjà à cette époque-là. Oui, lorsqu'on remonte en fait facilement, là, écoutez, en Égypte, qui était le pays déjà très populaire chez les touristes grecs de l'Antiquité, on a un secteur qui s'appelle El Canaïs, qui est dans le désert, qui était réputé comme étant déjà difficile. Donc, les touristes qui passaient par là, il y a une espèce de grande falaise rocheuse où on a 3 000 ans de gens 3000 ans de graffiti de gens qui ont laissé leur nom, qui ont dit « je suis passé par là, moi j'ai réussi à me rendre, moi j'espère pouvoir poursuivre mon chemin parce qu'il fait très chaud ». Donc on a plein de témoignages comme ça, de gens qui ont voulu démontrer qu'ils sont passés par là ou qui sont passés aussi dans des sites et des temples égyptiens qui faisaient déjà la renommée de la Méditerranée, donc à Luxor entre autres. On a plusieurs noms de Grecs comme ça qui ont voulu montrer qu'ils étaient passés dans ce secteur-là sans aucun problème. Mais la ville d'Athènes, pour les Grecs, était déjà de toute façon une ville foisonnante de, je vous dirais, de graffiti pour insulter ses amis ou ses collègues. Mm-hmm. On a trouvé quand même, je vous donne un exemple, Sidromakos a le derrière aussi large qu'une citerne. On trouverait ça aujourd'hui dans un métro, on trouverait ça aujourd'hui sur une porte de toilette, mais on trouvait ça dans la ville d'Athènes aussi. Bon, Pompéi, c'est un exemple extraordinaire. Vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Oui. Juste avant, un petit extrait d'un reportage diffusé à France 2 en novembre 2006 sur cette richesse quand on parle de graffiti du site de Pompéi. Plus de 3 millions de visiteurs chaque année pour retrouver les traces d'une ville qui, il y a 2000 ans, comptait 25 000 habitants. Une ville aisée avec son administration et ses commerces, commerces de toutes sortes, y compris celui du sexe. Car le plus vieux métier du monde se pratiquait ici, au Lupanar, dans une rue un peu en retrait, mais l'emplacement était stratégique. Sur les murs, des fresques restaurées après 2 ans de travaux. Il s'agit du catalogue des prestations sexuelles offertes par l'établissement. Quant aux clients, ils pouvaient signer le livre d'or. Les clients étaient habitués à graver leur nom sur les murs. Cette pièce-là était la première et c'est celle où l'on a retrouvé le plus d'inscriptions. Comme elle était juste à l'entrée, c'était la plus fréquentée. Il suffit de voir ces fresques des thermes pour comprendre que les Romains n'avaient pas de tabou. Catalogue des prestations sexuelles, Évelyne Ferron, gravé sur les murs de Pompéi. Il faut le faire quand même. Les Romains, il faut dire, dans l'Antiquité, n'avaient pas le même tabou par rapport à la sexualité que nous. Surtout que le bordel servait justement si on était malheureux en ménage, parce que le mariage était souvent politique, mais on avait ce droit au moins de pouvoir vivre l'amour et la sexualité en toute légalité, donc dans les bordels. Donc effectivement, les bordels de Pompéi, les positions sexuelles étaient toutes peintes, en fait, sur les murs à l'intérieur des différentes salles. Donc on voyait ce que la prostituée pouvait offrir, mais les gens étaient très fiers de passer par là. Et on laisser effectivement leur nom, ce qu'on ferait vraiment pas aujourd'hui la plupart du temps. Donc, il n'y avait pas de tabou par rapport à ça. C'est 11 000 graffitis qui ont été découverts à Pompéi, figés par les centres du Vésuve en 79 de notre ère. Et ça couvre vraiment des sujets qui sont très, très, très, très larges et pas juste la sexualité quand même, parce qu'ils étaient en période électorale. Oui. Alors, Pompéi était en élection lorsqu'elle a été ensevelie soudainement. Alors, on a beaucoup, beaucoup de caricatures d'hommes politiques pour les rendre plus moches. Comme on peut faire nous aussi dans nos journaux, là, avec nos caricaturistes. Et on va trouver aussi beaucoup de graffitis qui sont des annonces ou des publicités. J'ai un appartement à louer parce que les murs sont en plâtre. Alors, c'est pour ça que n'importe qui, même avec ses ongles à Pompéi, pouvait laisser des témoignages. Mais ça nous montre une population qui est quand même très lettrée parce que même les restaurants, les bars vont laisser des messages à la population. Je vais vous en laisser un seul qu'on a qui est quand même intéressant, mais qui montre la vie à Pompéi. Il dit « À celui qui défecte ici, méfie-toi de la malédiction. » Si tu l'ignores, un Jupiter en furie pourrait être ton ennemi. Donc, on avertissait les gens d'essayer d'être propres dans les rues par le graffiti aussi, avec des espèces de menaces religieuses. Ouais, puis ce qui est fabuleux dans le cas de Pompéi, vous l'avez dit, c'est que ce volcan, en fait, la ville est ensevelie. Donc, tout ça reste figé dans le temps, intact, et c'est ça qu'on découvre. Il n'y a pas beaucoup de sites dans le monde qui ont été préservés comme celui-là, en fait. Non, c'est un corpus documentaire fabuleux parce que Pompéi n'a même pas fini d'être fouillé. Donc, on se doute qu'on estime qu'on va peut-être pouvoir avoir un corpus final de peut-être 15 000, 19 000 graffitis. 11 000 graffitis, c'est à peu près l'équivalent de la population de Pompéi en 79 de notre ère. Donc, c'est d'une très, très grande richesse. Il y a de la poésie aussi sur les murs. Donc, c'est sûr que ça raconte vraiment ce fameux quotidien de la ville, en fait. Les architectes qui vont aussi utiliser le graffiti au cours de l'histoire. Oui, parce que, je veux dire, le papier coûte très cher. Alors, quand on est rendu, quand on est en Grèce, le papyrus vient d'Égypte, il coûte déjà une fortune. Alors, c'est sûr que la pierre sert aussi à prendre des notes. C'est un bloc-notes. Alors, lorsqu'on a fait les travaux de restauration du Parthénon, qui avait été construit entre 447 et 438 avant notre ère, on a fait les travaux de restauration là, entre 2001 et 2010 environ. Eh bien, en commençant à retourner les pierres, à les nettoyer, on s'est rendu compte que souvent en dessous, sur un côté, là où c'était peut-être pas nécessairement visible, on avait le nom des travailleurs qui avaient travaillé dans cette section-là, qui voulaient laisser leur marque en disant « J'ai travaillé au Parthénon, j'ai travaillé pour la déesse Athéna. » On a les architectes qui ont laissé des mesures, qui ont laissé des indications aux travailleurs où ils devaient placer, en fait, un bloc, comment ils devaient le positionner. Et ça, ça a été découvert très, très récemment parce que c'était pas fait pour être vu par la population. Donc, c'était souvent des pierres qui étaient cachées ou retournées. Mais ça révèle, en fait, tout ce travail de construction qui a été fait sur le Parthénon. Les graffitis et l'église, ça, c'est quelques livres à écrire, mais en quelques secondes. Bon, le Moyen-Âge, beaucoup, mais le graffiti sera très, très présent aussi et associé à l'église. Associé à l'Église, parce que c'est étonnant, mais c'est sûr qu'au Moyen-Âge, même si l'Église catholique est celle qui domine, les traditions qu'elle appelait païennes, donc les traditions plus populaires, plus paysannes, ne meurent pas, elles. Et dans la plupart des églises de France, d'Europe, dans les cathédrales, sur les coins de murs, toujours cachées, c'est jamais vraiment très visible, on se rend compte que les gens gravaient des visages de démons, on gravait des rosaces qui semblaient être une protection contre le mauvais œil, comme si la prière n'était pas suffisante aux yeux de ces gens-là et qu'il fallait vraiment laisser sa marque dans l'espoir d'être davantage protégés. Et ces graffitis-là, on les trouve souvent pour l'époque du 14e siècle, ce qui est très révélateur parce que c'est l'époque de la Grande Peste, qui a vraiment ébranlé les croyances religieuses aussi des fidèles qui sont retournés à des pratiques qui étaient peut-être un petit peu plus païennes. Même les moines vont noter dans les monastères, sur les murs, les dates des vagues de la peste. Alors, on a tous ces témoignages-là et des graffitis aussi qui représentent Jésus-Christ. Donc ça, c'est très, très rare en général, mais dans certaines églises, il y a des gens qui vont essayer de représenter Jésus. On ne sait pas trop pourquoi, par contre. Des grands artistes, de très grands artistes comme Michel-Ange, Raphaël, ne résisteront pas non plus à l'attrait du graffiti, Évelyne. Non, pas du tout, parce qu'à la Renaissance, c'est cette redécouverte, en fait, des sites antiques. C'est apprendre de l'art antique aussi. Alors là, on peut penser à nos grands peintres de la Renaissance, que sont Pinturicchio, Raphaël, Michel-Ange, qui vont participer à des fouilles archéologiques partout à Rome, dans l'espoir de découvrir comment les Grecs, les Romains faisaient les statues, faisaient leur architecture. Ils vont trouver, entre autres, l'ancien palais de l'empereur Néron, qu'on appelle la Domus Aurea, et ils vont laisser leur nom à plusieurs endroits. Ils vont le peindre, et ils vont s'amuser à dire hey, « on est passé par là et on a fouillé à cet endroit-là ». Grotte qui leur a inspiré ensuite l'art grotesque, ces espèces de décorations avec des visages un peu justement de méduses, de monstres et tout ça. Ils vont en reproduire aussi dans le Domus Aurea et ça va leur servir de lieu de pratique en même temps. Alors, on a vraiment un beau témoignage sur des ruines romaines, un peu de la pratique que Raphaël, Michel-Ange et tout ça vont faire pour essayer de copier le style antique. Donc ça, c'est quand même assez émouvant à voir et c'est un peu les origines de ce qu'il y a de plus grand en art aussi. Oui. Autre chapitre complètement fascinant lié au graffiti qu'on connaît moins en même temps. Les images vont venir très rapidement, je suis certain, quand les auditeurs vont vous entendre en parler, mais l'usage du graffiti en temps de guerre par les prisonniers beaucoup. Oui, c'est peut-être en fait, je dirais, dans les corpus documentaires, si on exclut Pompéi, la guerre et le graffiti, c'est intimement lié parce que si vous êtes prisonnier, donc dans des donjons, peut remonter au Moyen-Âge, Renaissance, toutes les époques, ou que vous soyez coincé dans une grotte en attente que quelque chose se passe ou parce qu'il y a justement des bombardements, vous ne pouvez pas sortir, la meilleure façon de montrer que vous étiez là, de dire, si je meurs, au moins je vais laisser une trace de mon passage, on saura peut-être ce qui m'est arrivé, eh bien c'est par le graffiti. Alors dans les donjons, dans les cellules, je pense entre autres à un château vraiment fabuleux à visiter en Angleterre, dans le nord, dans la région des Cumbria, qui s'appelle le château de Carlisle. Vous avez, c'est très émouvant, tous ces graffitis très, très bien faits, ce qui montre qu'on avait le temps de les faire quand ils sont très bien faits, où on peut identifier l'époque, 1480, parce qu'on met les symboles du roi de l'époque. On est à l'époque des Tudors. Et là, on va graver des chevaliers au combat. On va graver la cellule avec des animaux, donc pour montrer que les conditions sont peut-être pas idéales. Alors ça, c'est un beau témoignage de c'était quoi la vie en cellule dans des châteaux comme ça, dans des fortifications. Et on en trouve quand même à plusieurs endroits, dans plusieurs châteaux d'Europe. Et si on s'en va ensuite, pensons aux guerres comme la Première Guerre mondiale, eh bien là, c'est tout un autre pan du graffiti qui s'offre à nous, parce que là, c'est le témoignage de gens qui ne savent pas s'ils vont survivre tout simplement à cette guerre qui a coûté quand même la vie à des millions et des millions de personnes. La grotte la plus, je vous dirais, émouvante, c'est celle de la Hourre en France. On est à 150 kilomètres au nord de Paris et on est vraiment dans le secteur tout près de la bataille de la Somme. Donc, c'est sûr que c'est quand même déjà les gens peuvent imaginer la situation à ce moment-là. Et ce que vous avez, c'est une grotte où vous avez des milliers de noms de soldats qui se sont identifiés pour dire qu'ils étaient passés là. C'est 100 mètres sous terre, donc probablement qu'on savait qu'en laissant notre nom à cet endroit-là, peu importe ce qui arrivait à la surface, ça allait probablement survivre et on allait peut-être savoir au moins que ces gens-là étaient passés par là. Et on a en fait 1821 noms de soldats. On a une grande majorité d'Australiens qui ont laissé des noms, qui ont laissé des petits messages aussi des fois à leurs femmes. Donc ça, c'est particulièrement émouvant. On a des Britanniques, des Français, quelques Canadiens pour le moment. Mais il y a 662 noms dont on ignore la nationalité pour le moment. Donc c'est une grotte qui est encore à l'étude et qui est en train de révéler en fait comment ces gens-là se sentaient lorsqu'ils étaient piégés dans, à une époque qui a vraiment été dramatique là, pendant la Première Guerre mondiale. Je passe mon tour à café, je joue à des billets. Je fais le rap à river, can't you swim on low? I to the beat, I to the beat, La musique de Fab Five Freddy que vous avez entendu à Aujourd'hui l'histoire, graffiteur devenu graffiteur assez célèbre dans les années 70 à New York, qui devient artiste aussi célèbre de hip-hop dans les années 80. Il va faire des films. En fait, c'est vraiment un des pionniers du hip-hop, mais d'abord graffiteur. Evelyne Ferron, ça nous amène à parler de la période actuelle, le graffiti aujourd'hui, auquel qu'on voit partout, auquel on prête souvent toutes sortes de messages sociaux. Parfois, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Encore une fois, la marque qu'on veut laisser du type « J'y étais ». Quel usage il a aujourd'hui, le graffiti, Evelyne Ferron? Il change rapidement, en fait, de sens. Plus on avance, je vous dirais que, parce que si on revient à l'extrait sonore qu'on avait au tout début, on voyait que les gens associaient beaucoup le graffiti au vandalisme, ce qui est devenu, dans l'époque contemporaine, sa définition première. Donc, c'est de laisser une marque inopportune dans des lieux publics. Et graduellement, on se rend compte que, justement, avec l'effet des artistes de New York, du pop art et tout ça, que le graffiti était aussi une forme d'œuvre d'art. Donc, ceux qui ne faisaient pas que laisser leur nom, donc j'étais ici, ou genre j'aime Karine, là, mais qui ont vraiment voulu laisser des œuvres d'art quand même fabuleuses, faites avec, souvent de la peinture à la canette, sont devenus pour certains de très grands artistes et les galeries d'art ont emboîté le pas. Donc aujourd'hui, dans plusieurs galeries d'art, on peut avoir des expositions qui sont réservées à des graffiteurs et qui sont rendues tellement populaires qu'aujourd'hui, les villes vont faire appel à eux plutôt que de faire un graffiti par-ci par-là. On va leur demander de redécorer entièrement un mur sur une rue publique pour en faire une œuvre d'art et faire en sorte que la rue soit beaucoup plus belle lorsqu'on passe devant qu'un simple mur gris en béton, parfois qui est un peu abîmé par l'effet du temps et de la pollution. Donc, le graffiti est rendu avec un usage social, culturel, est vraiment vu comme une forme d'œuvre contemporaine et surtout d'œuvre de rue, mais qui est vraiment comme une forme d'exposition publique et accessible parce que tout le monde voit les graffitis. On n'a pas besoin de payer pour les voir. Alors, c'est vraiment le côté artistique, je trouve, qui ressort de plus en plus avec le graffiti dans notre monde contemporain. Oui, puis de grands noms, en fait, des gens qui commencent dans la rue comme Fab Five Freddy, mais au Québec, on pense à Zilon. Il y aura des figures importantes, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring, qui sont associés à cet art dont vous venez de nous parler, qui est proche, en fait, dans ses origines, en tout cas, du graffiti. Oui, parce que c'est l'art populaire. Donc, encore une fois, ça vient de la population plutôt que de venir de l'élite. Et ces gens-là s'adressent aussi à la population. Donc, c'est une forme de communication aussi qu'on a par le graffiti quand il est bien fait, entre les gens qui circulent dans les villes et les gens qui font les graffitis entre les artistes. Donc, ça, c'est quand même aussi une forme de communication nouvelle qu'on voit apparaître dans le monde urbain, surtout. Evelyne Ferron, c'était passionnant, cette histoire du graffiti. Historienne, enseignante à l'Université de Sherbrooke et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Merci beaucoup, Evelyne. Ça me fait grand plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur les sites Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.